Et donc on est arrivé à la parole de l'auteur rahimahullah lorsqu'il nous dit wala yajibu illa al-ijab wa huwa al-lafdhu as-sadiru min al-wali ka qawlihi zawwajtuka aw ankahtuka wal-qabul wa huwa al-lafdhu as-sadiru min az-zawji aw na'ibihi ka qawlihi qabiltu قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه أو ونحوه. Et donc l'auteur nous dit rahimahullah, donc il n'est durant ce contrat de mariage, lorsqu'on fait le contrat de mariage, la seule chose qui est obligatoire, donc ce qui est obligatoire, c'est la demande et l'acceptation. La demande et l'acceptation. Il nous dit la demande, c'est la parole qui va être prononcée par le tuteur. Comme le fait qu'il dise je te donne en mariage. Zawajtuka ou alors ankahtuka en arabe. Bien entendu, le terme précis, on le verra inshallah ta'ala. Et l'acceptation, c'est donc la parole qui va être prononcée par l'époux. Ou alors son remplaçant. Il se peut qu'il y ait une personne qui remplace l'époux. Et aussi, il se peut qu'il y ait une personne qui remplace le tuteur. Et donc, celui-ci va dire « j'accepte ce mariage » ou alors juste le fait de dire « j'accepte » ou autre. Et donc, en fait, ici, l'auteur nous montre que parmi les piliers du mariage, parmi les piliers du contrat de mariage, il y a la demande et l'acceptation. Et certes, les savants ont divergé concernant une situation qui est lorsque le tuteur utilise un autre terme que le zawaj ou alors le nikah. On a vu les exemples que l'auteur a cités dans la langue arabe, c'est zawajtuka ou alors ankahtuka. Les deux termes dans la langue arabe, zawaj ou donc et tazwij ou alors el inkah, ce sont deux termes qui sont clairs, qui n'impliquent que le mariage. Les savants, ils divergent si la personne, elle vient et elle utilise un autre terme. Elle utilise un autre terme. Comme le fait de dire, je te donne ma fille. Hein? Il n'a pas dit, je te donne ma fille en mariage. Il dit, je te donne ma fille. Ou alors, un autre terme, mais il n'a pas dit, il n'a pas utilisé le mot mariage. Est-ce que le mariage, il va être valable ou pas? Et donc, certains savants, ils voient qu'il est obligatoire d'utiliser le terme du mariage. Il est obligatoire. C'est-à-dire, zawajtuka, ankahtuka, ou dans la langue française, le mariage, le mot, il est obligatoire. Et il y a d'autres savants qui voient que non, ce n'est pas une condition, qu'on peut très bien faire un mariage, un contrat de mariage, en utilisant les termes qui sont connus chez les gens qui impliquent le mariage. Qui impliquent le mariage. Et donc, par exemple, en français, une personne peut dire « Je te donne ma fille en tant qu'épouse. » Il n'a pas utilisé le mot mariage. « Je te donne ma nièce en tant qu'épouse. » Il n'a pas utilisé le mot mariage. Et donc d'autres savants voient que cela est permis et que le mariage est valable. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marié un de ses compagnons sans utiliser le terme de el-inkah ou alors el-tazwij, le terme du mariage. Rappelez-vous cette femme qui est venue et qui a voulu se donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète n'a pas voulu. Alors un de ses compagnons lui a dit, ô messager d'Allah, marie-moi avec elle. Et c'est là que le prophète lui a demandé, qu'est-ce que tu as comme dot, etc., etc. Jusqu'à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dise à cet homme, Melektukahe bime ma'aka min al-Qur'an. Melektukahe. C'est-à-dire, je te la donne. Je te la donne, elle est à toi. avec ce que tu mémorises, par ce que tu mémorises du Coran. Je te la donne, elle est à toi, par ce que tu mémorises du Coran. C'est ça ta dot. Et donc ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas utilisé le terme el-nikah ou el-zawaj, qu'on traduit en français par mariage. Et pourtant, le mariage était valide. Et donc, à partir du moment où la personne, elle utilise un terme qui est connu auprès des gens, que ce terme-là implique le mariage, alors le mariage est valide. Inch'Allah ta'ala. Parce que dans les contrats, de manière générale, pas seulement le contrat de mariage, dans les contrats, ce qui est pris en compte, ce sont les sens et pas les termes. Ce sont les sens et pas les termes. Exemple. Je m'associe avec mon frère Suleyman dans un commerce. On fait un contrat. Sur le contrat, on stipule qu'on est associé dans un commerce de vente de bananes à Sainte-Marie. D'accord ? Mais on met en condition qu'aucun de nous deux, aucun de nous deux, n'ouvre de manière individuelle un autre commerce où il vend des bananes à Sainte-Marie, pour ne pas faire de concurrence à l'autre. Et donc on a mis ça en condition. Et je viens, je vais ouvrir quelque chose où je vends des bananes. C'est-à-dire que je vais sur le marché où je me mets devant la rue et je vends des bananes. Suleyman va me dire, tu as rompu le contrat, ça y est, on ne peut plus être associé, on a mis comme condition. Je vais lui dire, mais non, j'ai pas ouvert une société. J'ai pas ouvert de société. Je viens, je me mets près de la rue et je vends mes bananes. Elle va me dire, non. Est-ce que ce que tu fais rentre dans le sens qui est voulu dans le contrat qu'on a signé tous les deux ou pas? Oui, ça rentre. Ok, c'est bon, ça suffit. Même si ce n'est pas le même terme, c'est pas un magasin de vente de bananes, mais là, c'est un marchand de bananes. C'est la même chose. Il va vendre aussi des bananes et faire de la concurrence à l'autre. Et donc, on prend en compte le sens. Ça, c'est dans les contrats de manière générale. Et même dans le contrat de mariage, ce qui va être pris en compte, c'est le sens et pas forcément les termes. Contrairement aux actes d'adoration. Lorsqu'on fait des actes d'adoration, ce qui est pris en compte, ce sont les termes. Dans les contrats de mariage, ce qui est pris en compte, c'est le sens. Dans l'acte d'adoration, ce qui est pris en compte, ce sont les termes. Tu vas commencer ta prière. Tu vas dire « Allahu Akbar ». Il y a un frère qui va venir à côté de toi qui va te dire « Ar-Rahmanu Akbar ». Tu vas dire « Ya, si Sakal est là, qu'est-ce qui t'arrive à faire ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu dis « Ar-Rahmanu Akbar » ?» Il va te dire « Ar-Rahman, c'est Allah ». Donc que je dise « Ar-Rahman » ou « Ar-Rahim » ou « Allah »,« El-Jabbar »,« El-Ghafour », »,« El-Ghaffar », c'est Allah. Et donc c'est pareil, « Allahu Akbar ». On va te dire « Non, ta salat n'est pas valable ». Le terme à prononcer, c'est « Allahu Akbar ». Ça s'arrête là. Et donc on fait la différence entre les actes d'adoration et les contrats. Tayyib, l'auteur qui nous dit, rahimahullahu ta'ala, le chapitre, ou du moins le sous-chapitre concernant les conditions du mariage. Et donc là, on commence à voir les conditions du mariage. Qu'est-ce qu'une condition ? C'est quoi une condition, les frères ? Une condition, barakallahu fikum, dans la langue arabe, al-shartu ma yalzamu min adamihi al-adam, wa la yalzamu min wujudihi wujudun. La condition, c'est ce dont son absence va impliquer l'absence. Mais sa présence n'implique pas forcément une présence. Ça veut dire quoi ça ? Yarhamukallah. Vous allez me dire, mais Abdel, qu'est-ce que tu veux dire, Abdel Karim ? Ça, c'est lorsqu'on fait de la traduction mot par mot. Et donc, je vais expliquer directement, c'est mieux. Comme ça, c'est plus clair. La condition, c'est ce dont son absence implique l'invalidité. Mais sa présence n'implique pas forcément la validité. Parmi les conditions de la prière, il y a el wudu, l'ablution. Si tu n'as pas cette condition qui est remplie, l'absence de cette condition implique forcément l'invalidité de la prière. Maintenant, si tu as tes ablutions et que tu as prié, est-ce que ça veut dire que ta prière est forcément valable? Non, parce qu'il y a d'autres conditions. Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Et donc, les conditions sont obligatoires pour la validité du mariage. S'il y a une seule condition qui est absente, le mariage n'est pas valable. Et ça, c'est un gros problème, les frères. Combien de fois on a dû refaire des mariages à cause de ça? Que ça soit en Belgique, que ça soit en France, que ça soit en Martinique. C'est impressionnant le nombre de mariages qu'on doit refaire parce que les gens ne prennent pas attention à ce sujet. On veut se marier, on est pressé de se marier, hein, et on n'étudie pas les conditions du mariage. Et donc, premièrement, barakallahu fikoum, il est impératif d'avoir ridwa zaoujaini, la satisfaction, l'accord des deux époux, la femme et l'homme. Si l'homme a été forcé, le mariage n'est pas valable. La femme a été forcée, le mariage n'est pas valable. Tayyib. Une femme est forcée au mariage. Et ensuite, donc ils ont forcé le mariage, ils l'ont mariée, et ensuite, son mari vient se présenter à elle, elle ne voulait pas de lui, mais une fois qu'il est rentré dans la maison, ça y est, khalas, elle a laissé faire. Et elle s'est dit, c'est bon, on laisse faire, c'est pas grave, malich. Et au final, elle est prise d'amour pour cet homme. Est-ce que ce mariage est valide ou pas? Alors la femme n'était pas d'accord au début, donc non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui ou non? Ça ne remplit pas les conditions. Tayyib. On va voir un hadith, barakallahu fikoum, qui est dans Sunan ibn Majah. D'après Bouraïda, qui dit « جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بخصيصته » Il dit, une femme, une jeune, elle est venue voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant, certes mon père m'a marié avec le fils de son frère pour enlever sa pauvreté par ma cause. Pour enlever sa pauvreté par ma cause. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné le choix. Il lui a donné le choix. Est-ce que tu veux rester son épouse et donc on continue le mariage comme tel, ou alors on annule le mariage? Il lui a donné le choix. Fekolet kod ejeztu me sona abi. Walakin. أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. سبحان الله. Cette femme, comme elle était forte, Allahumma barak, ce qu'elle a fait est très fort. Grâce à son courage et ce qu'elle a fait aujourd'hui, nous connaissons les règles, la règle dans ce sujet. Cette femme est une cause. Lorsque le prophète lui a donné le choix, elle a dit, cette femme, Code, j'ai adjust tout mes sona à Abi, c'est-à-dire, j'ai laissé passer ce qu'a fait mon frère, ce qu'a fait mon père. Adjust tout, je l'ai permis, c'est bon. Je laisse passer. Cependant, Je voulais juste que les femmes sachent que la décision ne revient pas au père. Je voulais que les femmes sachent que la décision ne revient pas au père. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons avec qui on se marie. Le père n'a pas le droit de la forcer. Et donc, quel est le jugement, barakallahu fikoum? C'est-à-dire qu'une fois que cette femme, elle a été forcée, si ensuite elle accepte, le mariage est valable. C'est elle qui décide. Ils ont fait le mariage, son père il arrive, son père il dit, écoute, je t'ai marié avec un tel ibn un tel. Le mariage il est fait, ça c'est bon, c'est décidé. Elle dit, mais tu ne m'as pas demandé mon avis. C'est fait, ça y est, khalas. Alors nous on vient, on demande à cette femme, est-ce que tu valides ce qu'a fait ton père ou pas? Si elle valide, le mariage est valable. Le mariage est valable. Si elle ne valide pas, le mariage n'est pas valable. Barakallahu fikoum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.